J'ai appris le clash dans la rue depuis que j'en ai décoché des centaines. Et quand on descendait en équipe, on décrochait des antennes. C'était la merde chez moi, ça va pas fort mais rien qu'on flambe. Je me vengeais dehors avec mes frères qui cherchaient le même réconfort. Dans l'équipe bigarre et conforme, pas les mêmes backgrounds. Donc les plus doux jouaient les durs devant les murs, on n'aime pas craindre. Parti de chez mes darons, j'avais plus que deux valises. Presque vide, je dévalise les shops. Désormais je suis seul, faut que je reste vif. Je dormais dans des escaliers ou chez mes roms et ça me gêne. Et dans mes sons, jouais des rôles, je parlais d'euros et de sap cher. C'est trop simple d'être compliqué, c'est compliqué d'être simple. On s'est fait soulever par tout un check, on était peut-être 5. Devant les autres, on grossira les chiffres et les exploits de chacun. On transformera les gifles en ogives, histoire de choquer. Fasciné par les vrais G's, kilo de cheat dans la Jeep. Et puis au cimetière des rêves, G's. Nos espoirs de chacal, plus d'espace dans mémoire vive. Des histoires sur des sparadraps. Une espèce d'ennui morbide qui fait qu'au fond t'espères un drame. Et puis l'envie disparaîtra à l'âge du premier disparu. Quand j'ai compris que j'étais un lâche de ceux qui romantisent la rue. Un micro dans sa mallette pris, un mal appris nous l'a sorti. Mon frère m'a dit t'es mal épris, pas un centime mais on l'a pris. Au moins on aura tenté ça y est. Voilà l'avenir, essayer de prouver que t'es un vrai. Le devenir en arrêtant d'essayer. Ouais. Plus tard je remercierai les traîtres de mettre en lumière ceux qui sont vrais. Qui aurait pu prévoir que le rap me sauverait. Faut que je sois là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. J'suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Une ambulance passe et sur la prod les sirènes sont accordées. Elles veulent savoir si je me souviens encore d'elles. Le sang gèle, toujours le même cauchemar. La vérité blesse et y'a qu'aux gens que j'aime que je mens. Je sens que j'aime, ils ont la haine que je monte. La vérité blesse et y'a qu'aux gens que j'aime que je mens. Le schisme est né le jour où les muguets se vendent en brun. Ému face à la mer, j'ai humé ce vent d'embrun. Le rap c'est l'art du cri, le goût du sel, des règles enfreintes. Mais l'homme à qui t'empruntes laissera les siennes sur l'arme du crime. Alors je refuse les offrandes, l'esprit traversera le ciel. Quand les souffrances seront sans frein, l'un de nous renversera les chefs avec un rire couleur safran. Aucun de ces connards s'affronte, c'est les soldats qu'on laisse au front. Et c'est pas eux qui les sauveront. Au fond c'est vrai, jusqu'à ce franc, à peine ce vrai, on a la tête chaude. À part la mif, je suis comme le destin, je tiens un peu de choses. J'ai trop bougé pour m'approprier un check. J'ai joué un rôle devant les hyènes avec ma propre idée en tête. J'étais mort de peur à chaque fois que j'ai dû casser un tête. Les vautours patientaient comme si je passais un test. Et dans un sale plan, signal d'alerte sur le moniteur. Ça peut te coûter cher d'y tremper comme à la piscine Molitor. T'as beau me dire que tu maîtrises, mais t'es quand même alcoolique. Ça me rend triste même quand tu me souris d'un air mélancolique. Senzu, des jeunes fenecs, des lionceaux, des éléphantaux. J'ai pris de l'âge, mais je crains toujours ma daronne et les fantômes. Faut que je sois là pour mes cas sociaux, tout ça me tracasse aussi. J'suis plus ce mec insouciant, j'ai pas connu qu'un suicide. Une ambulance passe et sur la prod les sirènes sont accordées. Elles veulent savoir si je me souviens encore d'elles. Le sang gèle, toujours le même cauchemar. La vérité blesse et y'a qu'aux gens que j'aime que je mens. Je sens que j'aime, ils ont la haine que je monte. La vérité blesse et y'a qu'aux gens que j'aime que je mens. La première relation t'a fait souffrir, donc t'es squinteur à la dernière. Mais la reggae c'est comme une escalade aux règles infernales. Et ça réglait ses comptes à coup d'extincteur à l'internat. Quand s'arrêtent les secondes d'une nuit sans fin que plus rien n'alternera, jamais seul. Alors m'escarre la pleure à l'intervalle. La peur à l'intérieur, on la tue mais on l'enterre mal. Cher monsieur, on se construit sur des bases déséquilibrées. En amour, j'nique tout, obligé de dévaster ce qui m'effraie. Te laisse pas manquer de respect quand un mec te traque. Mais si j'étais bien dans ma tête, j'aurais pas fait le choix d'être artiste. Vends-leur ton putain de rap, plisse et le contrat glisse. Wesh, j'vois plus tes potes sur la tracklist. Vu comment tu sues, ça m'étonnerait qu'on te shoot. Indépendant comme PNL, on veut être les premiers comme Jules. Dans le rap, c'est notre souffrance qu'on te sème comme des indices. C'est comme une putain de revanche quand je saigne les maisons de disques. Attends. Vas-y, veux quoi, Loïs, là? Je crois que je vais répondre ou quoi? Tiens. Ken, c'est Galvin. Galvin Lasagne de chez. Musique. On aimerait bien te parler parce qu'on développe donc la branche musique urbaine de notre boîte. Donc, et vas-y, toi. Premièrement, pour te féliciter pour cette belle réussite que tu as fait avec cette Allez, arrache ta gueule.